ben, ça fait justement un petit moment que j'avais envie d'intervenir là-dessus, mais bon, on se dit que ce n'est pas nécessaire. Après l'échange entre Étienne Boissery et Jean Fabry, il y a quelque chose, et je suis d'accord. En fait, le problème, c'est comment faire savoir. Alors là, il y a le chaînon manquant, c'est les médias ou l'opinion publique. Bon, les paysans qui gagnaient, je pense qu'il n'y avait pas tellement l'opinion publique pour eux, mais après, elle a joué. Bon, mais on ne revient pas à l'époque moderne. Je veux dire que le problème, c'est celui-là. C'est qu'en fait, si on a un gouvernement qui bafoue le droit et qui édite ses propres directives dans un ordre contraire à celui qui est prescrit par le droit ou par la loi, c'est beaucoup plus qu'une affaire de normes. Il y a la question de la norme. Mais c'est une affaire aussi, comment se fait-il qu'on ne puisse pas, nous, qui sommes quand même... mais ça, entre guillemets, comme vous voulez, mais bon, pour bon sens, on a la capacité à élaborer et à penser, comment se peut-il que ce thème-là n'interpelle pas plus les médias et les journaux? Et comment pouvons-nous faire, comment pouvons-nous produire des textes qui, au moins, l'explicitent? Ça serait important. Bah, j'ai ma propre réponse à la question de savoir pourquoi ça n'interpelle pas plus les journaux. Je me souviens de cette déclaration absolument scandaleuse du président de la République, qui disait, hein, il y a 2 ans peut-être, le Conseil constitutionnel nous a donné tort, on va essayer, oui, c'était pour la rétroactivité de la loi sur le, je ne sais plus quoi, on va essayer de voir comment on peut le contourner. Il a dit à la télévision. Bon, il y a eu 2 ou 3 juristes qui ont écrit des articles pour démonter tout ça, puis c'est fini. Je veux dire, ce n'est pas un thème qui est suffisamment présent dans les débats publics. Mais c'est épouvantable. Et ça, c'est être citoyen. C'est ça. Moi, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et je pense qu'il y a la question de la... parce que ça serait quelque chose à montrer qu'on est gouverné par des gens qui ne respectent pas les normes, enfin, plus que les normes, la base même de ce qui crée le droit et la loi, donc la démocratie. Et c'est pas être radical que de dire ça, parce que c'est vrai. Je voudrais. Non, mais je voudrais surtout rajouter une chose, c'est que ce que prouve la masterisation, c'est que s'ils ont attendu aussi longtemps pour sortir leur texte, c'est qu'ils n'étaient pas si à l'aise que ça. C'est-à-dire que eux, ils pensent pas que la mobilisation est morte et qu'il n'y a pas de réaction. Ils le pensent pas et ils ont raison. Parce que de fait, il y a un certain nombre de lieux de veille qui continuent de penser, de réfléchir, de suivre texte après texte. Alors je suis d'accord, c'est ennuyeux. Hein. Moi, je ne suis pas une fanatique des décrets. Mais en même temps, si on ne le fait pas, eh ben, au jour où il faut déguider, il n'y a plus personne. Quoi. Bon. Donc je crois que ça montre qu'il y a quand même un rapport de force qui existe, et ça il faut en tenir compte. Mais je crois aussi, et c'est un petit peu ce que disait à l'instant la collègue, c'est qu'il faut rappeler sans cesse à nos collègues et aux autres, et ça c'est notre travail, ce qu'est le droit, comment ça fonctionne, et dépiauter les textes sans cesse. S'il y en a un qui le fait pour la France, ça suffit, on fait circuler après. C'est pas très compliqué.